La créativité. L'artiste n'est pas une personne d'une espèce différente, mais toute personne est une différente espèce d'artiste, comme le dit Éric Gilles, philosophe. Je suis un créateur multidisciplinaire. En tant que citoyen, homme parmi les hommes, je suis de ce monde. Et comme disait le poète Éluard, malgré mon dur désir de durer, à 83 ans, je ressens chaque jour ma finitude. Pourtant, ma quête de l'infini tantôt m'aveugle et tantôt m'illumine. Quand je crée, je ressens parfois ce sentiment de faire un avec tout, d'être unique dans tout l'univers et de toute éternité, comme tout le monde d'ailleurs. Dans l'univers de la créativité, l'imagination transcende temps et espace en ouvrant une cinquième dimension, l'ailleurs, qui enchevêtre et superpose tous les possibles grâce au symbole, à l'analogie, à la métaphore, à l'allégorie, à la synonymie et à la polysémie. L'imaginaire est l'espace de la création libre où le créateur outrepasse le réel et ses contraintes. Depuis plus de 50 ans, la trajectoire de ma créativité révèle une constante. L'unification de l'art, de la science et de la conscience. La créativité n'est pas le fief absolu des artistes. Voilée ou dévoilée, elle se manifeste dans toutes les sphères de la société. Un mécanicien peut être aussi créateur qu'un artiste et un agriculteur, en symbiose avec la nature, en s'adaptant aux fluctuations du climat, peut être aussi inspiré qu'un poète, dans sa recherche de solutions en lien avec l'exploitation de ses terres. Bien que le terme « artiste » désigne une personne qui consacre sa vie à une forme d'art, toute personne humaine dans son quotidien a recours à son imagination créatrice pour trouver réponse à ses questions. La première vertu d'un artiste, c'est son unicité. Tout en étant différent de tout humain est semblable à tout humain. Semblable, mais jamais identique. Il est unique dans la mesure où il crée une image de sa ressemblance. C'est en étant le plus et le mieux lui-même que l'artiste digne de ce nom finit par être le reflet de son environnement et que son œuvre contribue à la création de l'essence de l'identité culturelle de sa collectivité. L'image idéale représentant le processus de toute forme de créativité et l'arbre. Dans toutes les civilisations, de toutes les époques, les hommes ont établi une correspondance entre l'arbre et l'imagination. Comme l'arbre, enraciné à la fois dans le ciel et dans la terre, l'imagination unit la matière et l'esprit, la réalité et le rêve. Comme l'arbre, elle est une source perpétuelle de régénération et d'évolution. Tout est interconnecté en correspondance avec tout. Dans l'arbre de l'imagination, chantent les couleurs, dansent les formes, sonnent les mots et se peignent les musiques des émotions. Évoluer, c'est changer. Changer, c'est créer. Créer, c'est se créer. Sans fin. Toute personne en quête de l'autonomie de sa pensée et de sa liberté d'action s'engage dans un processus évolutif qui n'a d'autre finalité que la pleine et entière réalisation de soi. Elle ne crée pas seulement pour s'adapter à son milieu, elle crée pour adapter son milieu à ses besoins. Pour mieux s'insérer dans le tissu social et mieux comprendre son environnement physique et culturel, elle pose des questions. Outre les réponses qu'elle obtient sur les plans sociopolitiques et scientifiques, elle cherche des réponses plus profondes en lien avec l'essence de son existence et finit par constater que le progrès de l'humanité réside dans la vision des créateurs qui imaginent un autre monde, un monde meilleur dans ce monde. Certains créateurs prétendent que l'art véritable doit être spontané, purement instinctif, voire automatique. D'autres prétendent que l'art doit être sous la gouverne de la raison. À mon sens, la créativité fait appel à la foi, à la logique du cerveau gauche, rationnel et analytique, qui organise et stabilise un ordre nécessaire, et à l'intuition du cerveau droit, spontanée et synthétique, où l'imagination est au pouvoir, dérangeant l'ordre établi, mais réinventant le monde. On dit qu'une image vaut mille mots, mais pour un poète, un mot. Ce vers d'Éluard, par exemple, le dur désir de durer, peut valoir mille images. Dans ma thèse de licence en philosophie, tentant de cerner le sens de ce simple vers, j'ai écrit près de 200 pages sans y parvenir vraiment, totalement. Pour moi, ce vers garde toujours son mystère. Et c'est en cela qu'il est immortel et transcende les âges. Créer, c'est donc d'abord et avant tout créer l'image de soi-même, l'imaginer. La créativité est la carte d'individu, est la carte, excusez-moi, la créativité est la carte d'identité d'un individu. L'expression de la différence de ce qu'il y a d'unique dans la personne. Nous sommes ce que nous créons. Cependant, la créativité implique qu'on sorte des modèles établis pour voir les choses sous un angle différent. Créer, c'est établir de nouvelles relations en jetant un pont entre le connu et l'inconnu, entre ce que l'on sait et ce que l'on sent ou pressent. Plus l'on a d'outils pour exprimer l'image que l'on se fait de soi et du monde, plus grands seront les bras de notre arbre et mieux branchés nous serons pour embrasser la vie et fleurir, fleurir, fleurir. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent, comme dit Baudelaire dans son poème « Correspondance ». Grâce à l'arborescence des imaginaires, l'art est essentiellement un moyen de créer des correspondances, des analogies entre les êtres et les choses. Tout est interconnecté, en correspondance avec tout, comme le disait si bien Anaxagore, le philosophe présocratique. Tout est dans tout. Entre les rives de la réalité et du rêve, entre la matière et l'esprit, entre le visible et l'invisible, entre l'individu et le peuple, l'art a toujours été le plus solide, le plus subtil et le plus beau pont pour traverser l'histoire de l'humanité et en comprendre le sens. Traverser le pont, c'est aller à la rencontre de l'autre pour lui transmettre l'essence de son identité, lui signifier la spécificité de sa présence. L'art est le plus subtil, le plus mystérieux et le plus transcendant de tous les langages, en ce sens qu'il est d'abord et avant tout la transmission de l'essence de l'existence. En cela, l'art est métalangage, le langage de l'au-delà et de l'en-deçà de la réalité. En cela aussi, l'art est la plus haute forme de communication, parce qu'il est une tentative de lecture, d'interprétation et de traduction des mondes sombres ou lumineux qui gravitent autour et au cœur de la psyché humaine. Bref, faire de l'art, c'est d'abord marcher dans les pas de ceux qui ont tracé de nouvelles voies dans les forêts vierges de l'inconnu. Et, à son tour, laisser des traces de son passage en ce monde, des traces qui mènent vers des mondes nouveaux. Faire de l'art, s'est exprimé les secrets imprimés au fond de son être. L'impression est la trace, empreinte, le tremplin. L'expression est le flot, le saut, l'envol. Une société qui n'a plus de rêve, n'a plus d'avenir. Sans poésie, le monde n'a pas de saveur et l'existence perd son sens. Si les gens de raison s'occupent de la réalité concrète, les véritables créateurs s'occupent du reste, du rêve, de l'infini et de l'éternité.